Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 47. De la distinction des choses en général. Que Dieu est l'auteur de la multiplicité, de la distinction et de l'inégalité des êtres. Il n'y a qu'un seul monde. 1. La pluralité et la distinction des choses vient-elle de Dieu ? Il est écrit, Dieu sépara la lumière des ténèbres, les eaux d'avec les eaux. Genèse 1. La pluralité et la distinction des choses vient donc de Dieu. Nous ne dirons pas, avec Démocrite, que la variété des êtres provient du mouvement fortuit de la matière, avec Anaxagore, qu'elle est sortie du sein de la matière d'où un être intelligent a su l'extraire, avec Avicenne, qu'elle doit être attribuée aux agents secondaires, ce serait faire de la perfection de l'univers l'œuvre du sort aveugle. Nous dirons, au contraire, que la distinction et la multiplicité des choses a son principe dans les desseins de Dieu, qui a fait le monde pour manifester sa bonté et en établir la représentation dans les êtres. Une seule créature étant impuissante à retracer suffisamment cette divine bonté, il en a créé plusieurs, de formes diverses, afin que, les unes suppléant ce qui manque aux autres, l'univers entier reproduisît la bonté suprême mieux que ne l'eût pu faire une seule créature, si parfaite qu'on veuille la supposer. Note. La perfection, qui est une et simple dans le souverain être, est multiple et divisée dans les créatures. La pluralité des choses correspond à la pluralité des idées divines qui en sont les exemplaires. Fin de la note. 2. L'inégalité des choses vient-elle de Dieu ? La sagesse divine, qui a ordonné la distinction des êtres, a établi pareillement leur inégalité, pour la perfection du monde. Croit-on que l'univers serait dans des conditions meilleures si tous les êtres avaient le même degré de bonté ? Est-ce que la perfection de l'animal ne serait pas détruite si tous ses membres avaient la dignité de l'œil ? Dieu a fait un monde excellent dans son ensemble, mais les créatures, bonnes en elles-mêmes, pouvaient et devaient être meilleures les unes que les autres. Voyez un édifice. Pourquoi la toiture diffère-t-elle des fondations ? Est-ce seulement parce qu'elle est de matières différentes ? Non, l'art lui-même exige une telle diversité, pour la perfection de l'œuvre, c'est au point que l'architecte voudrait créer pour elle une matière différente, si la nature la lui refusait. Indépendamment donc du mérite des êtres, la diversité devait, pour la perfection de l'univers, exister au sein de la nature. Note. Voudriez-vous que dans le monde matériel tout fût également beau, que, dans les trois règnes de la nature, tous les êtres dont ils se composent fussent uniformes, que tous les rochers fussent de marbre, tous les animaux des lions, tous les éléments du feu, alors, que deviendrait cette admirable variété, un des plus beaux ornements de l'univers, dans laquelle éclate d'une manière si vive l'intelligence, la puissance, l'inépuisable fécondité de son auteur, et d'où vient qu'il n'y aurait pas la même diversité dans le monde intellectuel et moral, confère Frayssinous. Fin de la note. 3. N'y a-t-il qu'un seul monde ? Saint Jean nous dit, le monde a été fait par Dieu. Jean 1, 10. Cet apôtre met le monde au singulier, donc le monde est un. La preuve de l'unité du monde peut se tirer de l'ordre même que Dieu fait régner entre toutes les choses qu'il produit, car tous les êtres qu'il crée, non seulement il les enchaîne les uns et aux autres, mais il les coordonne par rapport à lui-même, de sorte qu'ils forment un ensemble harmonique étroitement uni. Ils appartiennent tous conséquemment à un seul monde. Cela seul pourrait soutenir le contraire qui attribuerait la création de l'univers au hasard, et non à une cause intelligente qui a tout coordonné avec sagesse. Autant vaudrait suivre l'opinion de Démocrite, qui prétendait que ce monde et une infinité d'autres s'étaient formés du concours des atomes. Note. Cette preuve, que le monde est un, parce que toutes les choses créées sont enchaînées entre elles et par rapport à Dieu, avait frappé Aristote, qui, à la vue de l'unité d'ordre qu'il remarquait dans la création, en conclut à l'unité du Dieu qui nous gouverne. Platon, de son côté, prouvait l'unité du monde par l'unité du modèle sur lequel il a été fait. Les astres sont-ils habités ? Les opinions sont libres à cet égard. Ce qu'il y a de certain aux yeux de la science, c'est qu'ils ne sont pas habités par des êtres de même espèce que nous. Fin de la note. Markendanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.